maman, vite s'achève et l'on laisse à jamais me serment dans sa folie de s'adorer longtemps, longtemps. On est charmant, elle est jolie, c'est pas un soir de gai printemps. Mais un beau jour, pour rien sans cause, l'amour se fane avec les fleurs et on reste là toute chose, le cœur serré, les yeux remplis de pleurs. Lorsque tout est fini, quand se meurt votre beau rêve, pourquoi pleurer les jours enfouis, regretter les songes partis, les baisers sont détruits. Le roman vite s'achève et l'on reste à la même truie. Quand tout est fini. Mm-hmm.